Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est un univers de poésie que Franck Ferrand nous propose de découvrir cet après-midi dans Au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Jacques Prévert est à l'honneur chez nous aujourd'hui. Sa verve, sa pureté, son réalisme poétique, vous savez, c'est le terme consacré. La force toute simple de ses images. Nous sommes comme des enfants, nous sortons de l'école et nous voilà embarqués. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait. Vous allez commencer par nous parler du cinéma de Jacques Prévert. Et oui, rappelez-vous Quai des Brumes, Les Visiteurs du Soir, Les Enfants du Paradis. Après quoi, en compagnie de Jean-Pierre Guénaud, nous évoquerons l'homme, le poète. Et si pour faire le portrait d'un oiseau, il faut peindre d'abord une cage, pour faire celui de ce poète, le plus indiqué m'a paru être de peindre d'abord un écran qui ne va pas demeurer blanc bien longtemps. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Je disais à Wendy tout à l'heure au moment du passage d'antenne que j'étais en train de déplier des affiches. En effet, il se trouve que l'un des ouvrages qui est paru aux éditions Les Arènes, qui s'appelle « Les magiciens du cinéma, Carnet, Prévert, Trauner », propose une sorte de grande enveloppe dans laquelle sont toutes sortes de facsimilés. Il y a des extraits de scénarios, il y a des photos de films, il y a des petits dépliants de promotion au moment de la sortie des films. Et puis donc ces magnifiques affiches qui nous replongent dans, on peut dire, dans notre culture, non seulement cinématographique, mais on peut dire que c'est vraiment le patrimoine de la France. Est-ce que vous saviez que Jacques Prévert, au total, aura travaillé sur plus d'une centaine de projets de films, courts et longs métrages confondus, dont une soixantaine ont réellement vu le jour, ou en tout cas, ont vu l'obscurité des salles? Alors, sans vouloir ni diminuer le mérite ni minimiser le travail de l'auteur, il faut peut-être que je commence par vous dire que Jacques Prévert est né dans le sérail, tombé enfant dans la marmite cette saison, qu'il a grandi en même temps qu'un septième art qu'on n'appelait pas encore ainsi, un cinéma muet relevant de la pantomime, de l'attraction de foire et du rêve pur. Tout Prévert, en somme. Son père est critique dramatique et il se trouve qu'il s'intéresse de très près à ce qu'on appelle encore le cinématographe. Alors il emmène souvent avec lui le petit Jacques au cinéma et c'est l'émerveillement de cet enfant qui paraît né pour s'émerveiller. Voilà ce qu'il racontera lui-même en novembre 1967. « Enfant, j'aimais déjà et beaucoup le cinéma. J'y allais souvent, très souvent. Cela ne coûtait pas cher et le jeudi, je trouvais parfois le moyen de passer inaperçu et de m'asseoir face à l'écran en qualité de spectateur clandestin. Les années passaient et les films en même temps, c'est en ce temps-là que j'ai vu Le Vautour de la Sierra, Morgan le Pirate, Charlot, Tom Mix, Ryojim, Arizona Bill, Spartacus, Protea, Rocambole, Zygomar et Un beau soir. » Fantomas. Fantomas, c'était le maître de l'épouvante, mais Louis Feuillade, je l'appris plus tard, au studio comme dans la rue, était le maître de Fantomas, et surtout un des maîtres du cinéma primitif, régi par les lois foraines et merveilleusement neuf, populaire, vivant. Les personnages, ajoute Jacques Prévert, les héros de ces films surgissaient de l'extraordinaire, sortaient, s'évadaient de l'ordinaire, et l'ordinaire d'alors, c'était avec les actualités de la guerre de 14, la fille du Boche, Debout les morts, Dette de haine, le héros de l'Isère, la maison du passeur ou mort au champ d'honneur. Avec Fantomas, avec les vampires, on mourait ailleurs et l'on tuait tout autrement, insolitement, ingénument. Aujourd'hui, cette guerre de 14 est finie, l'autre aussi, et la grande tuerie mondiale fait des progrès remarquables. Mais les films de Louis Feuillade, c'est toujours tout nouveau, tout beau, comme avant, et en couleur, et parlant, parlant en gris, en noir, en blanc, avec la troublante éloquence du rêve, l'espéranto du silence. Je pense que mieux que tous les discours, un petit texte comme celui-là nous donne une idée de l'incroyable agilité verbale de cet homme qui vous envoie, si j'ose dire, constamment des images à la figure. Prévert à 20 ans, c'est facile, hein, parce qu'il est né en 1900, donc il fait partie de ces gens dont il est toujours très facile de savoir quel âge ils ont. Il est incorporé en 1920 au service militaire, donc c'est là qu'il rencontre celui qui deviendra le peintre surréaliste Yves Tanguy. En 21, le voilà expédié à Istanbul, où il rencontre Marcel Duhamel. Marcel Duhamel est un intellectuel, si je puis dire, un éditeur, traducteur, scénariste, acteur lui-même. Et c'est de là ce lit d'amitié. Jacques rentre à Paris en 1922 et 2 ans plus tard, Duhamel se voit confier par son oncle la direction d'un petit hôtel au 54 de la rue du Château, donc dans le 15e arrondissement. J'y habitais, moi, dans cette rue, donc je la connais bien. Il y a toute une atmosphère à la Trônère, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Il va en profiter pour loger ses amis qui deviennent locataires de la rue du Théâtre, Jacques Prévert et Yves Tanguy. Ils sont là. Alors c'est l'origine de toute une petite communauté de bons copains vaguement bohèmes, des peintres, des poèmes sous le toit de Duhamel. Il y a parmi eux Raymond Queneau, Pablo Picasso, Alberto Giacometti. Vous imaginez, tout ça fait rêver. C'est un de ces moments bénis comme on propose parfois l'histoire de Paris. L'adresse devient peu à peu le repère du groupe surréaliste. C'est là qu'on fait les fameux cadavres exquis, vous savez. Alors on retrouve rue du Théâtre, Artaud, Breton. Enfin, ils sont tous là. Et Prévert est un peu, si je puis dire, le mouton noir dans la bande. C'est un homme très indiscipliné, il n'est pas fait pour se trouver fondu dans un groupe. Et d'ailleurs, en 1930, pour s'être sans doute trop ouvertement opposé à André Breton, le voilà exclu. Cette expérience surréaliste n'est pas perdue pour autant, car c'est elle qui va permettre à Prévert de mettre un pied dans le cinéma, professionnellement, je veux dire, parce que pour le reste, vous avez bien compris qu'il y est déjà depuis longtemps et tout entier. Rue du Théâtre, on écrivait beaucoup. Or, en 28, Jacques a écrit le scénario d'un long métrage, Le Trésor, le bateau mouche pirate de Max Maurice, avec, il y avait Raymond Queneau, Robert Desnos, enfin tout ce monde-là, hein, dans la petite bande des auteurs. Marcel Duhamel a un projet d'agence de scénario. L'idée, c'est de créer une sorte d'atelier de scénario, si vous voulez. Ça ne verra finalement pas le jour. C'est à cette époque également que Jacques travaille avec son frère Pierre, qui a 6 ans de moins que lui. Il a l'âge de Marcel Carné, il est né en 1906. Il est le premier de la famille à travailler dans le cinéma, puisque lui est projectionniste. Alors, c'est le moment où Jacques va faire ses vrais débuts dans le cinéma, d'abord avec une co-réalisation avec Marcel Duhamel et Pierre Prévert, Souvenir de Paris, qu'on connaîtra mieux sous le titre de Paris Express, un hommage à la beauté de Paris incarnée par les Parisiennes. Et puis plus tard, les trois amis vont retoucher ce film en noir et blanc. Ils y ajouteront des musiques, des commentaires de Prévert, bien entendu, des images en couleur du Paris de l'après-guerre, et ce sera Paris la Belle. Ça, c'est en 1959. Pierre Prévert propose à Jacques, son frère, afin de lui permettre de mieux gagner sa vie, d'écrire ou de réécrire des scénarios. Et on va le voir au générique d'un certain nombre de films, bien entendu. Jacques Prévert a tellement le virus qu'il a fait discrètement l'acquisition lui-même d'une caméra amateur, et on le voit tourner des films comme ça, notamment dans la banlieue Est de Paris. Il va faire un petit film de 15 minutes qui s'appelle Nos gens, Eldorado du dimanche. Ce film est présenté au studio des Ursulines en première partie. Et l'accueil de la presse est excellent, en tout cas pour un film de débutant. Alexandre Arnaud, dans Les Nouvelles Littéraires, écrit « Ce reportage de la banlieue séduit par sa fraîcheur et son esprit, par la variété des prises de vue et un sens certain de l'humour et de l'atmosphère. » Quant au journaliste Maurice Bessy, voilà ce qu'il écrit à propos de ce coup d'essai de Jacques Prévert. « Un film très agréable, car il est lourd de promesses. » Ah, il n'imaginait pas à quel point. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1. Et vous continuez, Franck Ferrand, à nous conter la vie de Jacques Prévert. Oui, alors il aurait fallu quand même que je vous dise un peu que Prévert a fait du théâtre aussi. Il a fondé un groupe qui s'appelait le groupe Octobre, dont il devient le principal auteur. Il écrit des scénettes, on va dire, des espèces de sketchs avant la lettre, si on peut dire, pour la troupe. C'est du théâtre populaire. C'est à ce moment-là qu'il prend vraiment l'envie d'écrire pour mettre dans la bouche de comédiens des textes qui n'appartiennent qu'à lui. Je vous ai dit qu'il avait été contraint de déménager de la rue du Château. Il habitera désormais à Saint-Germain-des-Prés. Il forme son petit groupe au Café de Flore. C'est Simone de Beauvoir qui écrit dans ses mémoires « La petite bande des fidèles qui se rencontrait au Flore n'appartenaient ni tout à fait à la bohème, ni tout à fait à la bourgeoisie. La plupart se rattachaient de manière incertaine au monde du cinéma et du théâtre. Leur dieu, leur oracle, leur maître à penser, c'était Prévert. Ils vénéraient les films et les poèmes dont ils essayaient de copier le langage et le tour d'esprit. Il faut vous dire que les films sont de plus en plus remarqués. Alors, pendant toutes les années 30, on va voir Jacques Prévert participer à l'écriture d'un certain nombre de films, comme l'adaptation de l'opérette de Reynaldo Hahn, Ciboulette par exemple, Reynaldo Hahn, Francis de Croisset, Robert de Flers, tout ça réadapté, remodernisé par Jacques Prévert pour la caméra de Claude Autant-Lara. On le verra également adapter une pièce de Feydeau, telle du Libre-Échange. Il travaillera au scénario du Crime de Monsieur Lange pour Jean Renoir, pour Les Disparus de Saint-Agile de Christian Jacques. Mais là, il ne paraît pas au générique, hein, il ne signe pas. Il faut vous dire qu'il ne signe pas toutes ses participations, Jacques Prévert, parce que parfois, il n'est tout simplement pas d'accord avec ce qui s'est fait. Évidemment, le véritable épanouissement de Prévert au cinéma passe par un autre génie dont j'ai tout à l'heure subrepticement cité le nom, c'est Marcel Carnet, de 6 ans son cadet. Avant de travailler avec Prévert, Carnet était journaliste et assistant réalisateur. Il fait appel à lui pour Génie en 1936 avec l'inénarrable, l'irremplaçable Françoise Rosay. C'est d'ailleurs Françoise Rosay qu'on retrouvera dès l'année suivante dans un autre film qui vous dit forcément quelque chose, sans doute le film le plus, comment est-ce qu'on pourrait dire, le plus burlesque de l'histoire du cinéma français, Drôle de drame, en 1937. Souvenez-vous. Bizarre. Qu'est-ce qu'il a ? Votre couteau. Comment ? Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre. Alors je croyais que... Moi j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre ? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre. Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Alors évidemment, c'est le duo absolument invraisemblable entre Michel Simon et Louis Jouvet, bizarre dans Drôle de drame. Il faut vous dire que ce film est un peu comme ce que nous avons entendu tout à l'heure, chanté par Yves Montand, hein, en sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer. C'est-à-dire que c'est un coq à l'âne, il y a du surréalisme là-dedans. Vous seriez bien en peine, en regardant Drôle de drame, de trouver un véritable fil conducteur. C'est une histoire, c'est des espèces de sketchs qui s'enchaînent et qui néanmoins ont une vraie cohérence. Et ont la cohérence d'une poésie, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, une poésie parfaitement, il y a un très bel ensemble, hein, il y a un sens du merveilleux dans tout ça. Il faut pas oublier le rôle essentiel des décors de Trauner, d'Alexandre Trauner, qui vont jouer un rôle essentiel dans cette collaboration à trois, en quelque sorte, hein, Marcel Carnet, Jacques Prévert, Alexandre Trauner. Alors, ce sont les très grands films, Quai des Brumes, bien sûr, avec la divine Michèle Morgan et avec Jean Gabin qu'on retrouve l'année suivante. On est là vraiment à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, dans Le Jour se lève. Ça, il faut voir ça, les dialogues entre Gabin et Jules Berry qu'on retrouvera alors dans le grand film tourné sous l'occupation, Les Visiteurs du soir, hein, 1942. Et puis l'autre grand film, alors cette fois à grand spectacle, avec carrément la reconstitution de tout le boulevard du crime tel qu'il pouvait être à la fin de la Restauration en 1827, c'est bien sûr Les Enfants du Paradis, tourné en 1943. Ça, c'est... Et toujours au cœur de tous ces films, l'amour, parce que c'est évidemment le sujet principal de toutes ces histoires. C'est toujours des histoires de couples qui vont ou ne vont pas se séparer, hein, c'est la grande question. Voici ce qu'écrivent Jean-Pierre Jeunet, Nguyen Trong Binh et Philippe Morisson dans Les Magiciens du cinéma. Jacques Prévert, pour qui l'amour fou était un leitmotiv artistique, n'a écrit pour Carnet que des histoires où cet amour était entravé par le malheur. En revanche, l'amitié restait également pour le poète une vertu cardinale, essentielle, indestructible dans sa vie comme dans son œuvre. Et Prévert dira lui-même, alors beaucoup plus tard, dans les années 60, « J'écris des histoires d'amour. Or, celles-ci n'ont jamais captivé dans un pays où l'adultère est à la base de 80% des films et des pièces. » Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu fleur bleue dans tout ça, mais c'est tellement beau. Rappelez-vous, dans Les Enfants du Paradis, Pierre Brasseur et, là encore, je disais l'irremplaçable à propos de Françoise Rosay tout à l'heure, l'irremplaçable Arletty. Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi. C'est drôle, on dirait que vous avez couru. Oui, après vous. Après moi? Et vous venez à ma rencontre? Mais justement, je vous ai vu tout à l'heure. Alors vous comprenez, le choc, l'émotion, le temps de me décider. Et vous étiez déjà loin. Alors, comme j'ai horreur de suivre une femme, j'ai couru pour vous dépasser et précisément venir à votre rencontre. Et maintenant, je ne vous quitte plus. Où allons-nous? C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien. Mais c'est peut-être le même. Non. Oh, pourquoi? Parce que j'ai rendez-vous. Oh, rendez-vous? Destin tragique. Voilà seulement 2 minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter. Oh, et me quitter pourquoi? Pour qui? Pour un autre, naturellement. Et vous l'aimez, hein, cet homme? Oh, moi, j'aime tout le monde. Eh bien, voilà qui tombe à merveille. Je ne suis pas jaloux. Mais lui, l'autre, il l'est, hein, jaloux. Est-ce que vous en savez? Oh, ils le sont tous, sauf moi. Mais n'en parlons. On écoutait un extrait des Enfants du Paradis de Marcel Carné avec Arletty et Pierre Brasseur. Arletty Garant, c'est Frédéric Lemaître interprété par Pierre Brasseur. Et je rappelle à nos chers auditeurs qu'ils peuvent réagir à l'émission et nous envoyer leur message par mail sur europe1.fr, sur Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Nous retrouvons Franck Ferrand dans une minute pour continuer à parler de la vie de Jacques Prévert. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et vous continuez, Franck Ferrand, à nous parler de la vie et de l'œuvre de Jacques Prévert. Et oui, de son œuvre cinématographique notamment, hein, cette collaboration tellement extraordinaire essentiellement avec Marcel Carné. Alors, leur dernier film, ce sera après la guerre en 1950, c'est La Marie du Port, d'après Georges Simenon évidemment. C'est leur dernière collaboration et ça va faire couler beaucoup d'encre, évidemment, leur séparation, si je puis dire. Voilà ce que disait Marcel Carné, justement, en 1965. C'était à Robert Chazal. On a tellement dit de choses inexactes à ce sujet, disait Carné. Ceux qui veulent m'être désagréable disent que sans Prévert, je n'aurais pas fait les films que l'on connaît. D'autres disent la même chose à propos de Prévert. En fait, notre rencontre a été bénéfique, mais il aurait été néfaste pour l'un comme pour l'autre d'éterniser une collaboration qui ne s'imposait plus. Nous avions évolué, chacun de son côté. Il faut, pour collaborer, comme nous l'avons fait, Prévert et moi, une identité de vue et de réaction qui ne peut être un phénomène de très longue durée. En vérité, il y avait une sorte de divorce entre les deux, et on va y venir dans un instant en compagnie de Jean-Pierre Guénaud. Il faut, au-delà de Prévert et Carné, évoquer toute l'équipe, bien entendu, qui contribuait à la mise en place de ce cinéma qu'on va appeler ce cinéma de réalisme poétique, hein, avec la musique, bien sûr, surtout Cosma, avec les costumes, avec les décors dont je parlais tout à l'heure, etc. Et puis les comédiens eux-mêmes. Alors, en 1948, Prévert a un accident, ça aussi on va vous le raconter dans un instant, avec des séquelles qui vont être des séquelles neurologiques assez graves. Dès lors, il n'écrira plus vraiment que de temps en temps pour le cinéma. Après 1948, il se consacrera essentiellement à des dessins animés et à des films pour enfants, dont Le Petit Soldat en 1947 avec Paul Grimaud, La Bergère et le Ramoneur en 1948 qui est le premier long métrage d'animation en couleur. Ils seront finalement écartés du projet puisqu'ils réprouvent la chute, hein, ils réprouvent la version finale qu'on a donnée du film. Et puis pour le cinéma, il y aura quand même encore Souvenir perdu de Christian Jacques en 1950, une collaboration avec Jean Delannoy pour le Notre-Dame de Paris adapté de Victor Hugo. Il y aura aussi Les Amours Célèbres de Michel Boiron. Enfin, ce sont des collaborations vraiment très ponctuelles. Je vous ai dit un mot de Paris la Belle, qui était donc ce film exhumé du tout début des années 30 et remis à la sauce de 1959. Et puis aussi, ce qu'on a parfois tendance à oublier, des collaborations de Jacques Prévert pour la télévision. Le Petit Klaus et Le Grand Klaus en 1964, La Maison du Passeur en 65 et l'année suivante À la Belle Étoile. La dernière participation de Jacques Prévert à une grande œuvre cinématographique, mais alors quelle grande œuvre, c'est sa participation au scénario et au dialogue du grand dessin animé de Paul Grimaud, Le Roi et l'Oiseau, qui ces jours-ci ressort d'ailleurs en DVD. C'est un chef-d'œuvre qu'il faut avoir dans sa vidéothèque. Je vous propose d'entendre évidemment la superbe bande originale. Thank you. On écoutait un extrait de la bande originale de Roi et l'oiseau de Killard, un DVD Studio Canal. Bonjour Jean-Pierre Guénot. Bonjour. Alors j'ai moi des facsimilés autour de moi, j'en ai un peu répandu un peu partout autour de la table, il faut dire, sur la table pardon, dans le studio. Vous, ce sont les vrais documents que vous avez au musée des lettres et des manuscrits. Hein, et oui, nous avons la chance d'avoir pas mal de trésors liés à Jacques Prévert, au musée des lettres et des manuscrits, et non des moindres. Oui. Alors il y en a un qui est lié à ce que vous venez d'évoquer, Franck, c'est-à-dire son activité de scénariste, de dialoguiste. Et ça n'est rien de moins que le manuscrit autographe du scénario de Quai des Brumes. C'est totalement mythique. On a tous en tête ce film de Prévert-Carnet, qui est inspiré d'un roman de Pierre Macorlan. Et on a tous en tête le duo Gabin et Michel Morgan. Mais ce qu'on ne sait pas, et ce que le scénario révèle, c'est que la phrase la plus mythique du film, au départ, n'est pas prévu dans le scénario. Là, le dialogue, la réplique initiale entre Gabin et Morgan, Gabin lui disait « T'as des jolies jambes, tu sais. » Bon, alors « T'as des jolies jambes, tu sais » est devenu « T'as beaux yeux, tu sais. » Alors vous imaginez ce plan fabuleux qui fait que nous nous sommes tous noyés dans les yeux de Michel Morgan. Elle avait sans doute de très jolies jambes, mais aucune comparaison avec le plan sur ses yeux. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de Jacques Prévert avec vous Franck Ferrand et votre invité Jean-Pierre Guénot, écrivain, historien, directeur de la culture d'Aristophile et des musées des lettres et manuscrits de Paris et de Bruxelles. Alors il faut rappeler que Jacques Prévert est donc né en 1900, ça c'est très pratique, et qu'il est mort le 11 avril 1977. Donc, à 77 ans. Oui, il est né avec le siècle, ce qui est le cas de certains grands poètes, comme Victor Hugo, qui était né avec 1802, le siècle précédent. Alors, on peut dire que les 15 bonnes dernières années de la vie de Jacques Prévert sont des années de discrétion. Il s'est mis un peu en retrait, en quelque sorte. D'ailleurs, il a revendu Antibes, où il vivait, où il avait vécu. Il s'est retiré dans le Cotentin. Et il est allé s'installer dans la Manche, absolument, dans le Cotentin. Et puis, il partageait une terrasse commune avec Boris Vian, cité Véron. On peut toujours visiter... Ça, c'est à Montmartre, il faut dire. Hein. On peut toujours visiter... Oui, c'est un peu plus près de la place Clichy. On peut toujours visiter et l'appartement de Boris Vian et celui de... Il faut montrer Patte Blanche et celui de Jacques Prévert. C'est merveilleux de penser qu'il se retrouvait sur une terrasse qui surplombait un théâtre. Ça ne s'invente pas. Et ils ont un point commun, tous les deux, avec Desnos également. D'une certaine façon, ce qui les caractérise, tous les trois, c'est leur côté libertaire. Ils auraient peut-être très mal vécu la période contemporaine qui se caractérise par un mot terrible, qui est le mot « formatage ». Ces gens-là étaient des rebelles. Ils ne pouvaient pas supporter le formatage. Ils ne pouvaient même pas rester indéfiniment fidèles à un groupe ou à un club d'amis. La preuve, j'ai raconté cet éloignement progressif d'avec Marcel Carnet, en l'occurrence. D'avec Marcel Carnet, avec Cosma également. Ah oui, avec Cosma, il faut dire que ça a un rapport avec ce que nous entendions tout à l'heure, cette BO du Roi et l'Oiseau. Car là, Cosma en a voulu à Prévert, en quelque sorte. Et réciproquement. Il y avait un affreux dans l'histoire, il faut toujours un affreux dans ce genre d'histoire, qui s'appelait le pauvre André Sarru, qui était le producteur du film. Il y a eu un désaccord total avec d'un côté Prévert et de l'autre côté Cosma. Cosma a soutenu le producteur André Sarru, qui avait spolié en quelque sorte de leur création, et Prévert et Grimaud. Et il y a eu un épisode judiciaire qui a duré une trentaine d'années, qui a été quelque chose d'assez fabuleux. Mais je crois que Prévert était trop électron libre, comme Desnos, s'il s'est éloigné des surréalistes. Quand les choses avaient duré un certain temps, il lui fallait renouveler un peu l'air et sans doute passer à autre chose. Et puis, on ne peut pas résumer Prévert à ce rôle fabuleux de réalisateur, de cinéaste, de dialoguiste. Prévert, c'est aussi le poète que l'on sait. Publié tardivement, car somme toute, il aura fallu attendre quasiment l'âge de 35 ans pour qu'on commence il aura quasiment publié pendant 15 ans avant qu'on songe à publier ses poèmes. Ça a commencé avec Parole. Et puis surtout, Prévert est un pamphlétaire. Là encore, on retrouve le libertaire. Donc on ne peut pas non plus résumer Prévert comme on le fait trop souvent, au poète populaire ou au poète pour enfants. Non, bien sûr. D'abord, la notion de poète populaire, elle est discutable. Et celle de poète pour enfants aussi, du reste. Alors, il est vrai qu'il a donné son nom à un nombre incalculable d'établissements scolaires dans l'Hexagone. Mais ce qui est frappant avec Prévert, c'est son côté actuel. Et alors, nous avons la chance d'avoir dans les collections du musée des lettres et des manuscrits un autre trésor, qui est le manuscrit autographe d'un livre intitulé « Grand bal du printemps ». Alors, ce livre, Prévert disait lui-même que c'était un livre qui fonctionnait comme un film. Donc, on reste là, oui, dans la fidèle, thématique, dans la thématique que l'on a évoquée tout à l'heure. Qu'est-ce que c'était, ce livre ? Eh bien, c'est un livre... Il faut rappeler que Prévert était l'ami des peintres, des photographes, et des chanteurs. Et son œuvre a abondamment alimenté les uns et les autres. Et alors Prévert est devenu très ami avec Isis Bidermanas, qui était un photographe qui avait des points communs avec Prévert. Il faut rappeler que l'enfance de Prévert n'est pas facile. Son père, certes, lui fait découvrir le cinéma, mais son père est très souvent au chômage. On racontera un petit peu sa vie tout à l'heure, justement. On reviendra sur quelques aspects. Et l'enfance n'est pas facile. Et alors, de cette enfance, Prévert a acquis un goût immodéré pour Paris, pour son petit peuple, pour ses petites gens. Et ce manuscrit autographe, Grand bal du printemps, eh bien, c'est l'alliage entre les visions poétiques que Prévert a de Paris et celles qui peuvent être celles de Isis Bidermanas. Et alors, dans ce, là encore, les traces de l'écrit merveilleuses, on a parlé tout à l'heure de Quai des Brumes, dans ce manuscrit autographe, on découvre trois versions manuscrites d'un poème. Qui est d'actualité. 27 vers. Qui aurait pu avoir été écrit il y a 10 minutes, étranges étrangers, et dont on peut lire quelques strophes, car il est un peu long, donc on va se résumer à quelques strophes. Kabyle de la chapelle et des quais de Javel, hommes des pays loin, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie, boumiants de la porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues. Tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvré, polaque du marais du temple des Rosiers. Et puis on peut finir, après cette énumération qui continue, on passe en revue tous les sans-papiers. Inventaire à la Prévert. Un inventaire à la Prévert, et on finit avec la strophe suivante. Étranges étrangers, c'est le titre du poème. Vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Voilà, c'est formidable et on voit que déjà Prévert était très choqué par le fait qu'il y avait, pendant l'entre-deux-guerres, une montée du populisme comme aujourd'hui, une montée de l'ostracisme comme aujourd'hui. On cherchait des boucs émissaires et Prévert ne pouvait pas supporter une seconde que les étrangers servent de boucs émissaires. Et il écrit ça donc avant la Seconde Guerre mondiale. Il le publie en 1951 en tout cas, hein, c'est ça ? Il écrit ça, oui, bien avant la Seconde Guerre. Enfin oui, il le publie dans la Guilde du Livre en 1951, mais c'est toute son enfance. Oui, c'est ça. Et son enfance, elle est antérieure à la Première Guerre mondiale. Alors justement, cette enfance, la traversée des deux guerres, les grands événements de la vie de Prévert, c'est ce qu'avec vous, Jean-Pierre Guénot, nous allons voir dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais. À l'extrait des Feuilles mortes, c'était Juliette Gréco sur Europe 1. On parle de Jacques Prévert cet après-midi dans Au cœur de l'histoire. Avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Jean-Pierre Guénot, écrivain et historien, directeur de la culture d'Aristophile et des musées des lettres et manuscrits de Paris et de Bruxelles. Et oui, et j'ai justement dans les mains la toute première partition, c'est vraiment le manuscrit de cette chanson extraordinaire, hein, de ces feuilles mortes, avec l'écriture très lisible. C'est une belle écriture, pas scolaire, mais lisible, limpide, de Jacques Prévert. Une écriture, on a envie de dire, qui ressemble à son style, Jean-Pierre Guénot, hein, quelque chose de très directement accessible. Oui, cette simplicité qui fait que le discrédit dans le pays élitiste dans lequel nous vivons pèse sur des gens comme Prévert, comme Saint-Exupéry et comme d'autres qui ont le malheur d'être clairs. Voilà. Hein, on peut penser à Camus aussi, qui était souvent opposé à cet égard. Nous ne citerons pas ceux qui sont moins clairs et qui en bénéficient, mais en tout cas, ceux qui sont trop clairs en pâtissent. Et cette notion de poésie populaire est quelque chose d'assez monstrueux, parce que ça montre un mépris social, comme ce qui était clair était forcément simpliste, en quelque sorte. Et la raison pour laquelle Prévert a été tellement l'ami des chanteurs et des chanteuses, puisqu'on vient d'entendre Juliette Gréco, c'est que sa prose se plaît au regard, mais à l'oreille. Et oui, hein, évidemment. C'est la multisensualité. Et c'est l'appel permanent au sens. Alors on va venir d'où tout ça peut venir. Il est né, je l'ai dit, en 1900, à Neuilly. On a un peu du mal à situer la famille de Jacques Prévert et de son frère, hein, de Pierre. Comment est-ce qu'on pourrait définir ce milieu familial d'origine? Ce sont des intellectuels chez lui. Oui, mais il a un côté très moderne aussi, parce que ce sont des gens qui ont des revers. Enfin, son père a des revers professionnels. Mmh. Voilà, comme on en a aujourd'hui beaucoup plus fréquemment. Mais c'était peut-être moins fréquent à l'époque. Et tout ça a impliqué chez Prévert une enfance assez redoutable. Et surtout une adolescence qui reste un petit peu mystérieuse. Prévert s'est toujours refusé. On parle toujours de son engagement, etc. Ça vient après. Mais avant, il s'est toujours refusé à éclaircir son adolescence. Et il a sous-entendu que la notion de délinquance n'existait pas, mais qu'elle aurait très bien pu le concerner. Ouais. Donc on peut penser qu'il a failli mal tourner, mais qu'il ne faisait pas partie des gens qui aujourd'hui se débagueraient très facilement et jetteraient en pâture au web leur vie privée. C'était pas son genre. En tout cas pas cette période dans laquelle on doit trouver d'autres blessures qu'il n'a jamais voulu révéler, mais qui se révèle peut-être dans son empathie pour les autres, car dans ce petit Paris populaire qu'il ne cesse de décrire, eh bien, on trouve les prostituées, on trouve les clochards, on trouve les sans-abri, on trouve tout un tas de gens auxquels on ne pensait pas et auxquels, pendant trop longtemps, avant Douaneau ou Isis, beaucoup de photographes n'avaient pas pensé. Il aura été, pendant la Première Guerre mondiale, un témoin lointain et probablement assez choqué par tout ce qui se passe. Lui ne commence son service militaire qu'après, en 1920. Donc pendant toute la guerre, il fait partie de ceux qui sont les muets de l'arrière, en quelque sorte. Et c'est là, peut-être, qu'on ne sait pas exactement dans quel milieu plus ou moins interlope il a pu se trouver. Il arrive tardivement, mais il a dû communier avec beaucoup d'intellectuels qui étaient un peu plus âgés que lui dans la troisième mi-temps de cette Première Guerre mondiale, quand les gens ont réalisé que, après tout, tout cela n'avait pas grand sens. On avait fabriqué un sens à cette guerre pour expliquer son démarrage, pour qu'elle dure, mais il y a un sentiment d'absurde qui envahit tout le monde après, et qui n'est pas d'ailleurs étranger à l'explosion du surréalisme, de la même façon que l'existentialisme est né après la Seconde Guerre mondiale. Chaque cataclysme, la proximité de l'abîme génère de grands mouvements spirituels ou intellectuels. Le surréalisme après la Première Guerre mondiale, l'existentialisme après la Seconde. Le surréalisme se voulait apolitique, ce ne sera pas du tout le cas de Prévert qui s'engage assez fortement. J'ai parlé de ce groupe Octobre qu'il avait créé, c'est pas un hasard s'il s'appelle Octobre, il y a une dimension révolutionnaire dans tout ça. Oui, tout à fait, et Prévert est quelqu'un qui ne cesse de se déchaîner à travers des pamphlets. Alors il a des thèmes fétiches, mais ces thèmes ne sont jamais mièvres. On sait que il est un apôtre de l'enfance. Il vilipende les vieillards, mais attention, pas les vieillards au sens physique du mot. Il y a des gens qui sont vieux dans l'âme à 20 ans. C'est pas une histoire d'état civil. Donc il est un peu comme Saint-Exupéry. Il ne cesse de vénérer l'enfance. Et alors les gens qui s'opposent à l'enfance, eh bien, sont les gens qui sont hyper formatés et qui représentent à ses yeux des institutions quelque peu surannées, quelque peu figé, il ne cessera toute sa vie de mettre sur la sellette la guerre, les prêtres, les bourgeois, les politiciens, les militaires, d'une façon parfois très très violente. D'autant plus qu'il aura quand même vécu les deux guerres que l'on évoque, la montée terrible du nazisme qui a séparé les deux, et puis aussi ces guerres orphelines qui sont la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, et qui ont causé chez lui également beaucoup d'état d'âme. Vous parliez de ce petit peuple de Paris, hein, de tout ce petit Paris populaire qu'on retrouve aussi dans les photographies du milieu du siècle, qui a un peu disparu du centre de la capitale, il faut bien le dire. Tout ça s'est boboisé, comme on dit aujourd'hui. Mais il a été toujours du côté des humbles, des petits en quelque sorte, hein, de ceux qui n'avaient pas la parole, avec sans doute d'ailleurs une vision quasiment déformée de la société, puisqu'il finit par en vouloir à tous ceux qui occupent des places ou des postes ou qui ont une fonction. Il y a cette espèce de il est un peu l'interprète des petits. Oui, on retrouve cet aspect libertaire. Et puis tout ça correspond aussi à sa définition de la poésie, à cette légèreté permanente qu'il essaye d'exprimer et d'incarner. Les fondamentaux de la vie humaine sont très présents dans son œuvre. On a évoqué tout à l'heure l'enfance, mais au départ il est obsédé par la naissance, par toutes les premières fois, par tous les premiers jours. Il est obsédé par la mort aussi, et même un petit peu par le thème du suicide que l'on retrouve aussi dans son œuvre. Donc il s'accroche à des choses tout à fait fondamentales. Il le fait avec une légèreté apparente dans sa poésie. Qui est souvent celui des... Il est très anticlérical, il faut dire. Il est par très anticlérical. Et puis ses chansons, les gens n'ont peut-être pas ça en tête, mais cette chanson que tout le monde connaît, qui est magnifique, Barbara, il y a une formule qui a fait scandale. Quelle connerie la guerre, Barbara. Voilà, ça paraissait scandaleux de dire que la guerre était une connerie. Dans des périodes, il est vrai trouble, puisqu'on sait que c'est le bombardement de Brest qui inspire cette chanson, mais qu'ensuite elle vit sa vie, cette chanson, lors d'autres guerres. Lui, pendant l'occupation, continue à travailler. Il fait partie de ceux qui continuent à s'y exprimer, en aidant d'ailleurs un certain nombre d'amis juifs, dont le compositeur Joseph Kosma, dont on parlait tout à l'heure. Oui, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté de ce côté-là. Mais il a continué néanmoins. Il a travaillé notamment avec Carnet. Dieu sait qu'on le leur a beaucoup reproché à la fin de la guerre. Oui, moi je dis toujours qu'à propos de cette période de l'occupation, on ne peut donner de leçons à personne, surtout vous et moi qui n'avons pas vécu ces périodes. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire admirer ceux qui sont très bien conduits. Mais il faut bien resituer cette Seconde Guerre mondiale dans une trajectoire historique. Les gens ont vécu, ont été traumatisés, c'était le cas de Prévert, par la Première Guerre mondiale, par la grippe espagnole qui a suivi, qui a tué quasiment autant de gens, par la grande crise qui a déferlé sur l'Europe ensuite. Et quand arrive le Front populaire, les gens pensent qu'ils vont enfin respirer. Il y a une envie de vivre inextinguible. Et malheureusement, un certain nombre ne vont pas peser ce qui monte, ça sera le cas de Giono, à son juste poids. On peut pas en reprocher à près de 40 millions de Français. Il y a eu pendant la guerre 300 000 résistants, 300 000 collaborateurs purs et durs. Les autres ont essayé de survivre. Qui pourrait aujourd'hui le leur reprocher? Donc parmi les artistes, il y a des gens qui ont franchement collaboré. Il y a des gens qui ont franchement résisté. Et puis il y a des gens qui ont essayé de continuer à vivre oui, comme simplement. La plupart des Français. Il y a un événement assez, j'allais dire mystérieux, non, mais qui est très important dans l'immédiate après-guerre et qui marque la vie de Prévert, c'est cet accident de 1948. Ça, c'est assez frappant. Hein. Il va tomber en fait. Hein, on est sur les Champs-Élysées. Il y a deux versions. Moi, j'ai lu quelque part qu'il était tombé d'une fenêtre de la maison de la radio. Alors, serait-ce à dire, chaque Franck Ferrand, que la radio, nous sommes ici sur les antennes d'Europe 1, aurait pu être fatale à Prévert, je ne sais pas. En tout cas, Pierre Berger affirme qu'il aurait été quasiment témoin de cet accident, puisqu'il était nouvellement arrivé à Paris. Ça fait partie de ces accidents de vie qui ont marqué Prévert. Dont il ne se remettra jamais tout à fait. Il y a un personnage qu'il faut citer, c'est son frère. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure de Pierre Prévert, mais il a joué un rôle essentiel dans les débuts de Jacques. Et pourtant, il a 6 ans de moins que lui. Il a 6 ans de moins que lui. Puis il y a une autre chose qu'il faut évoquer à propos de Prévert. Le thème de l'enfance est un thème fétiche. Le thème de l'amour, vous en parliez tout à l'heure, est omniprésent. Et il y a aussi ces femmes qui ont traversé la vie de Prévert. Et tout ça laisse de ce personnage sempiternellement représenté avec son clope au bec, comme on n'ose plus le faire aujourd'hui, avec tout un tas de gens, qu'il s'agisse de Malraux ou d'autres. Mais c'est quelque chose de merveilleux. En tout cas, ce que j'évoquais tout à l'heure à propos des manuscrits. Il y avait l'autre jour sur vos antennes un débat avec Pierre Assouline sur la cohabitation du virtuel et de l'écrit. Montre à quel point, on l'a vu avec le manuscrit original de Quai des Poèmes, à quel point l'écrit est quelque chose qui sous-tend l'audiovisuel. Nous sommes ici à la radio, il n'y a pas très loin d'ici des studios de télévision, et dans tous les cas, les gens n'ont pas en tête que là, vous êtes devant vos micros, vos tables sont parsemées de textes, de tapuscrits, de textes, de facsimilés. Ça veut bien dire que l'écrit reste omniprésent dans notre paysage audiovisuel. Vous êtes très rassurant, Jean-Pierre Guénot. Merci beaucoup de nous avoir fait partager l'univers tellement simple et en même temps, en apparence, parce que en même temps tellement profond, de Jacques Prévert. Et si vous voulez aujourd'hui trouver quelque chose qui me semble un peu inspiré par Prévert, vous allez retrouver le nom du réalisateur. Il y a un film qui est sorti hier dans les salles obscures qui a pour titre Attila Marcel. Allez voir ce film. Le réalisateur, dont le nom m'échappe une seconde, était connu pour ses dessins animés et c'est un film magnifique, tout à fait à la Prévert. Merci beaucoup Jean-Pierre Guénot. Je rappelle que vous êtes le directeur de la culture d'Aristophile et des musées des lettres et manuscrits de Paris et de Bruxelles. Dans un instant sur Europe 1, on retrouve Franck Ferrand qui, dans le cadre de notre semaine spéciale Préhistoria, reçoit les présidents du jury du Préhistoria de la bande dessinée et du Préhistoria de l'inattendu. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et avant de parler du Préhistoria, vous vouliez nous donner le réalisateur dont nous parlait Jean-Pierre Guénot. Voilà, donc ce film Attila Marcel est de Sylvain Chaumet, voilà, l'oubli est réparé. Et puis je vous rappelle, puisque je ne l'ai pas dit avant de rendre tout à l'heure l'antenne, que le film Le Roi et l'Oiseau, de Paul Grimaud et Jacques Prévert, disons-le, est actuellement disponible en DVD et Blu-ray. Alors, merci beaucoup à Catherine Salle et à Bertrand Dical d'être avec nous pour parler de deux de nos prix Historia. On les aura tous vus pendant le cours de cette semaine. Catherine Salle, vous venez d'habitude nous parler plutôt d'histoire d'antiquité, de l'histoire de la religion, etc. Je ne suis pas formatée. En l'occurrence, vous présidiez le jury de la bande dessinée et vous avez primé un ouvrage qui s'appelle La guerre des amants. Enfin, le premier tome en tout cas. C'est le premier tome, oui. La guerre... Enfin, Rouge Révolution. Le premier tome, le titre est Rouge Révolution. Et c'est une bande dessinée qui nous a beaucoup intéressés, le jury, les quatre membres du jury. Mmh. Rouge Révolution, c'est la révolution de 1917 en Russie. C'est la révolution de 1917 en Russie, oui, oui. Ce sont tous les événements de 1917 à 1920-22. Mais l'originalité du livre, c'est que non seulement il raconte cette révolution russe à Petrograd et à Moscou, mais il entremêle l'histoire de la peinture de l'époque, c'est-à-dire avec Kandinsky, qui est un des personnages de la bande dessinée, l'arrivée de la peinture non figurative. Mmh. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a les deux niveaux, avec l'horreur de la Révolution, parce qu'il ne ménage pas du tout les sensibilités du lecteur, hein, les deux auteurs, mais aussi ce qu'a été cette peinture et comment elle va prendre naissance dans ce monde en révolution. Et cette dimension esthétique très affichée, oui, s'affirme à travers les titres. Là, c'est rouge. Le prochain rouge. Qui se alors, passera... Alors, le prochain sera bleu voilà. Et c'est le Bauhaus. C'est-à-dire ça va se dérouler à Berlin. À Berlin, ouais. Et le troisième, alors, s'appelle Jaune, mais je ne sais pas où il se déroule. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette bande dessinée, de préférence à d'autres qui avaient été retenues, hein. Je pense à Highlands et au train des orphelins de oui, Philippe Charlot autres, et Xavier Formica. Étaient tout à fait intéressantes et bien menées. Mais nous avons aimé dans La guerre des amants, dans Rouge Révolution, d'une part, ce mélange des deux centres d'intérêt, ce qui est assez rare dans une bande dessinée, parce que généralement il y a un centre d'intérêt, et d'autre part, la valeur du dessin. Le dessin est très beau. Bon, la bande dessinée parle de la peinture, il était donc normal qu'une grande place soit donnée à la peinture, et c'est vrai qu'on trouve tous ces éléments dans La guerre des amants. Merci Catherine Salle. Alors, il y a un autre prix très attendu, si j'ose ce jeu de mots, parmi les prix Historia, c'est le prix de l'inattendu qui est censé récompenser, on peut pas dire qu'on récompense ce qui n'a pas pu trouver une place dans les autres catégories, mais plutôt ce qui a le plus surpris les amoureux d'histoire dans l'année. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Bertrand Dical? On peut exactement dire ça comme ça. Pour le fond et pour la forme, on va chercher quelque chose qui nous a surpris là où on s'attendait pas à trouver de la rigueur historique, grosso modo. Voilà. c'est ça. Alors ça peut être sur Internet, ça peut être dans la bande dessinée. Alors, l'année dernière, c'est un site Internet qui avait été L'année dernière, c'était un webdoc. On avait reçu l'auteur du webdoc, oui. C'est un magnifique webdoc sur Octobre 61 à Paris. Et là, c'est un téléfilm. Et c'est un téléfilm qui a été vu par beaucoup de monde. On était 3 700 000 Français. Oui, il a été diffusé sur France 2, alors forcément. C'est sur France 2, c'est La Dernière Campagne. La Dernière Campagne, le film de Bernard Stora. C'était parce que au printemps dernier, le 17 avril. C'était au printemps dernier, ça nous raconte, avec une vraie rigueur historique, la campagne présidentielle de 2012. Et en même temps, il y a une espèce de folie romanesque là-dedans. Vous connaissez hein, le pitch, c'est le président Chirac qui rêve la campagne comme il la voudrait, c'est-à-dire dire que lui il s'ennuie en ancien président et il va donner des conseils à François Hollande pour vaincre Nicolas Sarkozy dans la campagne. Et ça nous c'est a vraiment de l'histoire archi immédiate. Ça me rappelle une phrase qu'avait eue Alain Decaux à qui je demandais à ce même micro quand commence l'histoire. Il m'avait dit il y a 5 minutes. Mais là c'est un exactement. Peu ça. Exactement. Hein. Il y a une vraie rigueur dans les faits. Et ce qui est absolument fascinant, c'est le romanesque totalement fou des événements. Il est vrai, parfois complètement farfelu, et en même temps, une vraie rigueur dans les faits, une vraie rigueur de documents. Et ça nous rappelle une vieille tradition qui était la tradition de l'ORTF en noir et blanc avec des magnifiques téléfilms historiques, mais aussi la grande tradition du roman historique. Faut pas oublier que parfois nous-mêmes, mais aussi nos grands-parents, ont appris l'histoire de France dans des romans absolument abracadabrants, qui étaient écrits par Alexandre Dumas ou d'autres. Et c'est ça qui nous a intéressés avec La Dernière Campagne de Bernard Stora. Alors, je cite quand même les deux autres projets qui avaient été retenus, parce que ce sont des choses de grande qualité. Il y avait justement un webdoc sur l'histoire du jeu des 1000 francs. Enfin, c'est pas l'histoire, mais enfin, on suivait autour du jeu des mille francs. Extraordinaire sur la France aujourd'hui, la France dont on parle jamais. Et puis, le travail aussi de l'association Paris Luxor avec tout l'univers du cinéma de quartier. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous parler de ces prix Historia 2013.